Chapitre 3e. Le jeune gars bravo. C'était midi. Le soleil tombait d'aplomb sur le Brazos. Coupant la plaine du nord-ouest au sud-est, le fleuve suivait sa luisante route d'argent, tandis que sur chaque rive s'étendait la vaste prairie que marquaient çà et là, comme des points noirs mouvants, d'immenses troupeaux de bétail, les uns errant à leur caprice, les autres suivis de gardiens qui, montés sur des mustangs rapides, poussaient dans la direction voulue les bœufs aux longues cornes, à l'œil farouche, en faisant claquer sur les échines dans l'air leurs grands fouets de lanières tressées. À un demi-mille du fleuve se trouvait le rancho de Thomas Dennison, mieux connu parmi ses voisins sous le nom de Juge Tom Dennison. Il avait une douzaine d'années au moins qu'il était dans le pays. Il avait eu d'abord beaucoup à lutter, car ses ressources étaient modestes, et plus d'une fois les féroces Comanches ou les bandits, plus sauvages encore, du sud-ouest, la plupart d'origine mexicaine, et ayant leur quartier général sur le sol mexicain, avaient brûlé sa demeure et pillé la plus grande partie de ses biens. Mais Tom Dennison était énergique et ne désespérait pas. Si bien qu'ayant eu la chance d'échapper à ses visites plusieurs années de suite, il avait fini par devenir relativement riche, propriétaire de grands troupeaux et d'une maison confortable où il vivait avec sa femme, qui partageait noblement toutes ses épreuves. Il n'avait pas d'enfant, si ce n'est une fille adoptive, Wild Madge. Malgré son nom peu engageant, elle était jolie de figure, parfaite de forme, et douée d'une voix à la fois douce, claire et sonore. De plus, elle était à l'aise sur le mustang le plus sauvage, l'eût-elle pris au lasso l'instant d'avant. Et avec le revolver qu'elle portait toujours à sa ceinture, elle était, même sur le dos de son cheval, capable de tirer aussi juste que n'importe quel homme de la frontière. Toute jeune qu'elle fût, elle avait déjà assisté à plus d'une scène de sauvagerie et vu plus d'une fois le danger de près, de sorte que sa main, son œil et ses nerfs étaient également entraînés et que le cœur vaillant et le visage serein, elle était préparée à tout ce que lui réservait l'avenir. De tous les amis que possédait la belle Madge, il n'y en avait pas de plus sincère ni de plus hautement estimé par elle que Ralph Duncan. Ce n'était pourtant qu'un jeune garçon sans éducation, d'un ou deux ans à peine plus âgé qu'elle, qui menait une existence sans souci et heureuse, tantôt bouvier, tantôt chasseur, trappeur ou guide. Personne ne connaissait mieux la vaste étendue de pays qui se perd au nord-ouest et qui, à cette époque, était dans sa plus grande partie une région inexplorée. Il y avait peu de tireurs plus vifs et plus sûrs de leur coup, et il était capable de supporter des privations et des fatigues qui auraient abattu bien des hommes d'apparence plus robuste. Ce n'était pas sans raison que ces deux êtres étaient amis. Deux fois, Ralph Duncan avait sauvé la vie de Madge. Une fois, lorsque, toute petite, elle faisait partie d'un train d'émigrants, dont tous les membres, sauf elle, avaient péri dans une attaque nocturne de Comanches. Il s'était faufilé, gamin lui-même, au milieu de la bagarre, s'était emparé de la fillette et l'avait emportée sans être aperçu. L'autre fois, quelques années plus tard, il l'avait garantie de la charge furieuse d'un troupeau de bestiaux aux environs duquel elle s'était égarée. C'était Ralph Duncan qui l'avait amené chez le juge Dennison, et lorsque Madame Dennison, singulièrement émue à la vue de cette innocente et gentille figure, avait demandé à son mari d'adopter la petite fille, Ralph s'était opposé avec force, tout gosse qu'il fût, prétendant qu'il était parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Et ce ne fut qu'après une résistance vigoureuse qu'il consentit à la céder à la charitable femme de l'ex-juge. Des années passèrent. Tom Dennison s'était peu à peu intéressé à sa fille d'adoption, et maintenant il semblait s'inquiéter de Madge encore plus que de sa femme, ce qui n'était pas peu dire. Mais il n'était pas devenu l'ami de Ralph Duncan, pour qui il avait toujours nourri une aversion déraisonnable, laquelle s'était plus d'une fois traduite en paroles violentes. C'était midi, le soleil tombait d'aplomb sur le Brazos. Sur la rive du fleuve, Ralph Duncan était paresseusement étendu à l'ombre d'un arbre. À son costume, on reconnaissait un de ces libres rôdeurs des pampas et des montagnes qui s'allongent au sud-ouest. Une chemise de chasse, en peau de chamois légère, moulait un peu étroitement la belle structure de son corps. Un lourd pantalon de velours de coton à côtes enfermait ses jambes, et à ses pieds, il portait des mocassins, la chaussure des sauvages qui permet de suivre une piste sans trace ni bruit. Autour de sa taille, une ceinture soutenait une paire de revolvers et un long et lourd couteau. Enfin, un sombrero à large bord reposait à terre, à côté d'une carabine de charpe, dont la bretelle de cuir avait la boucle ouverte, car il venait de l'enlever de son épaule. Il y avait comme un nuage sur cette belle et juvénile figure, et son regard se perdait, les sourcils froncés, sur la plaine immense. « Il y a quelque chose qui menace dans l'air », se murmurait-il à lui-même. Jamais fille n'a été plus capable de se conduire toute seule que Madge Dennison. Mais on voit des bras et des cœurs encore plus fermes que les siens, qui se laissent surprendre. Le vieux a de bonnes intentions, sans doute. Mais elle n'est pas sa vraie chair et son vrai sang, et ce maudit Damon Reeves l'a tellement entortillée qu'il la tient au bout de son petit doigt. Comment? Il y a sûrement à cela quelque sale raison qu'on ne peut découvrir. Il faut qu'il y ait quelque vilaine histoire, qui lui donne prise sur le juge, sans quoi celui-ci ne lui laisserait pas si facilement ses entrées libres. Il agit comme si tout le rancho lui appartenait. Harper Clyde en vaut deux comme lui, si les physionomies ne sont pas menteuses. Eh bien, il n'a même pas la possibilité d'échanger avec elle un motif furtif de temps en temps. S'il me faut prendre parti, je marche avec Clyde. Quant à ce reptile rampant qui s'appelle Damon Reeves, si je trouve une fois des faits sur son compte prouvant qu'il est bien l'homme que je crois qu'il est, ma foi, tant pis pour lui. J'aurai à émigrer, voilà tout. » Le bruit du galop précipité d'un cheval interrompit le monologue du jeune gars. Levant les yeux, il vit un cavalier qui arrivait droit sur lui. « Damon Reeves, justement. Je me demande ce que le sacripant veut par ici. Maintenant, fais le mort, Ralph. Il y a quelque anguille sous roche. » Le jeune garçon releva les yeux. Le feuillage presque impénétrable de l'arbre offrait une cachette commode, où il serait à l'abri du regard le plus indiscret. Il inspecta le sol sur lequel il était couché et s'assura qu'il ne révélerait vraisemblablement pas sa présence. Saisissant son sombrero et sa carabine, il commença aussitôt l'ascension de l'arbre. Il s'était à peine établi parmi les branches lorsqu'il vit Damon Reeves passer à une vingtaine de mètres, suivant toujours la même ligne, jusqu'à un point qui n'était plus que malaisément à la portée de son oreille. Là, Damon Reeves fit halte, comme s'il attendait quelqu'un. Ils restèrent ainsi une dizaine de minutes, l'homme muet et immobile comme une statue équestre, et le boy ne faisant pas plus de bruit dans son arbre. Puis Ralph remarqua que la broussaille s'ouvrait, un peu plus loin que Damon Reeves, et un instant, il vit en plein une face sombre, bronzée par le soleil, d'expression basse, pendant qu'un homme en costume mexicain, un doigt sur les lèvres pour recommander le silence, sortait des buissons et se dirigeait vers le cavalier. Une conversation animée s'engagea entre eux, qui ne dura que 5 minutes. Ralph aurait donné beaucoup pour connaître le sujet, car il avait l'esprit plein de soupçons. Mais malheureusement, il s'était placé dans une position qu'il ne pouvait changer sans grand danger d'attirer l'attention. Il dut donc se contenter de regarder de loin leurs mouvements. Ils se livraient, l'un et l'autre, à une abondante gesticulation, et à plusieurs reprises, ils désignèrent du doigt d'abord le point où était situé le ranch Dennison, puis la direction du nord-ouest. « Les gredins !» murmurait Ralph entre ses dents serrées. « Il faut que Madge sache cela. Si ce n'est pas quelque ignoble complot contre elle, je vais passer pour un âne batté. Si Damon Reeves ne peut pas l'avoir par d'honnêtes moyens, il va se mettre à essayer des perfidies, et ce diable mexicain est là pour l'aider. Ah, si je l'avais plus beau d'un rien ! Je tenterai un coup de fusil au petit bonheur, en tout cas. » Tout en parlant, le boy armait sa carabine et coulait un regard caressant entre les deux canons, tantôt vers Reeves, tantôt vers le Mexicain. Une seule pression du doigt, toute légère, sur la détente, aurait pu être l'accomplissement d'un meurtre, mais elle aurait certainement épargné un monde de chagrin et d'ennui dans l'avenir. Il ne devait pas en être ainsi. Soigneusement, Ralph abaissa le chien de son fusil et surveilla l'entrevue jusqu'à la fin. Le Mexicain indiqua une dernière fois la longue rangée d'arbres bordant un petit ruisseau qui passait un jet de pierre de l'habitation du juge Dennison, puis se glissa dans l'ombre de la broussaille, tandis que Damon Reeves tournait bride et poussait son cheval droit vers l'arbre où se cachait Ralph. En même temps, celui-ci entendait le bruit d'un autre cavalier qui s'approchait du même côté que Damon Reeves était venu tout à l'heure. Ralph regarda dans ses directions et fut prêt de laisser échapper entre ses lèvres serrées non pas un cri, mais un sifflement de surprise. Il avait reconnu, à peu de distance, et venant vers l'arbre, Harper Clyde. Les deux rivaux allaient infailliblement se rencontrer.